Après avoir discuté du championnat français, on passe à un autre championnat, le championnat espagnol, la Liga, où demain se déroule le grand classico entre Barcelone et le Real Madrid. Et donc, c'est deux équipes qui sont, on pourrait dire, fidèles à elles-mêmes depuis le début de saison. Elles enchaînent les victoires, etc. Et c'est incroyable, le Real Madrid, comme en très peu de temps, Mourinho a eu une influence assez énorme, en fait, parce que j'ai l'impression que maintenant, le Real Madrid, c'est une vraie équipe, c'est une équipe où les joueurs sont soudés. Et à vrai dire, maintenant, quand on regarde un match du Real, on est plutôt bouche bée, tout simplement. Alors après, pour être honnête, c'est vrai que le succès constant de Mourinho, ça m'énerve grandement. Parce que j'ai l'impression en fait que ça, comment dire, ça diminue totalement le mérite des joueurs. Surtout quand on voit que l'Inter rencontre beaucoup plus de difficultés cette année et aura sûrement du mal à faire une année aussi exceptionnelle que celle de l'année dernière. J'ai l'impression que voilà, on dit si eux ils ont gagné, c'est parce qu'il y a eu Mourinho. Donc on met forcément les joueurs en second plan. Et c'est vrai que parfois j'aimerais bien que Mourinho perde, mais je comprends pas, ça arrive pas. Et on a l'impression que ce mec connaît tout du football et tu lui donnes n'importe quel problème à résoudre ou tu lui poses n'importe quelle question et j'ai l'impression qu'à chaque fois il va te donner la solution et il va taper juste en plein dans le mille quoi. Et je cherche à chaque fois des raisons pour qu'on arrête cette espèce de religion autour du Seigneur Mourinho. J'ai du mal à en trouver. Et ça m'énerve parce que normalement il y a toujours des petites failles. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas trop. Sauf que quand il arrive à Chelsea, il est sous les commandes d'Abramovich qui donne chèque ouvert. Quand il est, et pourtant il fait venir des joueurs qui ne sont pas si connus que ça, parce qu'il fait venir Drogba qui est juste connu à Marseille et en France. Il fait venir Damien Duff qui n'était pas génial à l'époque. Et qui n'était pas non plus une star, à l'Inter Milan, il a construit aussi son truc avec quand même toujours des présidents assez riches, et c'est le cas forcément au Real. Là, il profite assez sympa, mais il fait toujours des choix qui étonnent, et à la fin, il s'en sort avec des titres, il ne sait plus où les mettre, en sa force de gagner. J'ai l'impression que voilà, rien ne peut lui arriver, en même temps, il a toujours les meilleures propositions, mais en même temps, il y a le travail derrière qui fait que, voilà, et Porto, Chelsea, Inter et Real, c'est pour l'instant un chemin parfait, surtout s'il gagne, je pense que déjà, si demain, il gagne le Classico, ça va devenir un dieu en Espagne, surtout du côté de Madrid. Ouais, en plus, je pense qu'il arrive avec un petit avantage psychologique sur Guardiola quand même, hein, parce que les derniers Inter-Barcelone ont quand même penché en faveur de l'Inter, quoi. Donc, oui, je pense qu'il a mis de l'ordre, quoi, au Real. Ça a commencé par quelques matchs assez laborieux, des petites victoires, notamment celle contre Auxerre, quoi, qui était arrachée sur le fil, qui était à peine méritée, enfin voilà. Puis maintenant, il déroule, quoi. Maintenant, c'est au moins 3 buts par match, puis ça marche vachement bien. Puis il arrive même à rendre bon Benzema, quoi. Donc c'est quand même, non, franchement, c'est vraiment dur de lui trouver des défauts, quoi. À part qu'il est un peu, sur ce que tu disais à propos du fait que ça minimise le prestige des joueurs, en fait, c'est sa stratégie depuis le début. Alors effectivement, ça minimise un peu ça minimise les qualités des joueurs et leur rôle dans la victoire, mais en même temps, c'est quand même c'est une protection monumentale, quoi, Mourinho, pour ses... Moi, personnellement, ce qui m'impressionne vraiment avec Mourinho et avec le travail qu'il peut produire au sein d'une équipe, c'est la façon dont il sait absolument à chaque fois comment amener de la cohésion dans un groupe. Et quand je vois l'équipe du Real aujourd'hui jouer, j'ai l'impression que c'est peut-être au fond 11 stars à l'ego surdimensionné, mais qu'il a réussi à en faire une vraie équipe et presque une vraie machine à gagner en fait en ce moment. Parce que quand je compare ce qu'on voit en ce moment et ce qu'on avait pu voir à l'époque où vous venez d'acheter par exemple Cristiano Ronaldo ou Kaka ou Benzema pour plus de 250 millions d'euros, pour moi honnêtement ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ce qu'il a réussi à insuffler, ouais. Enfin, en fait, il s'est quand même adapté au style, hein. Il s'est quand même adapté. À Madrid, il peut pas jouer comme il joue à l'Inter, quoi. Il peut pas mettre Cristiano Ronaldo arrière gauche, quoi. C'est pas possible. Mais c'est vrai que, comme il faisait avec Eto'o, quoi, en gros. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est quand même. Il a quand même réussi ça, c'est assez incroyable. Mais bon, il arrive. C'est pas tout à fait comme Pellegrini, quoi. Puis je pense que il a dû négocier son arrivée contre un certain nombre de garanties avec le président. Du Real, quoi. Déjà, il arrive en position assez favorable, puisque le Real n'a pas fait une saison super, ils ont été éliminés en 8e, alors que la finale, c'était chez eux, qu'ils avaient mis je sais pas combien de millions, enfin de centaines de millions dans le recrutement. Donc je pense qu'il a imposé un certain nombre de règles, à commencer par le fait que c'est lui qui dirige, quoi, déjà, premièrement. Donc déjà, ça aide, alors que Pellegrini, d'après ce qu'on en sait, il dirigeait pas grand-chose. Et puis après, bah, il avait déjà réussi à faire ça à l'Inter, il avait déjà réussi à mater, entre guillemets, Eto'o, à le faire jouer arrière-droit, quoi, faire un milieu droit. Moi, je suis pas étonné, quoi. Même Cristiano Ronaldo, même des égos aussi énormes que ça, t'as l'impression que Mourinho peut les gérer sans problème, quoi. Enfin, sans problème, non, si, enfin, ça doit être du travail, mais il peut les gérer. Et il est apparemment, comme je disais tout à l'heure, il arrive apparemment aussi plus ou moins à gérer l'ego de Benzema, ce qui est quand même assez incroyable, quoi. Donc, ouais, voilà. Cette façon, c'est devenu c'est depuis plusieurs années ce qu'on appelle un grand monsieur du football, mais on peut parler juste 2 secondes du rival du Real qui est Barcelone. Et moi, j'aurais une question à vous poser parce que Lionel Messi est absolument fantastique en ce moment. Il a marqué notamment un but incroyable, d'une technique assez affolante face au Brésil avec l'Argentine. Et ils ressortent les débats comme quoi, pourquoi pas Messi Ballon d'Or. Est-ce que vous, honnêtement, ça vous gênerait de voir Lionel Messi, qui n'a pas réalisé une Coupe du Monde grandiose, d'être sacré Ballon d'Or et qui ferait donc un doublé au niveau du Ballon d'Or, c'est-à-dire qu'il recevrait 2 années de suite? Oui, ça me dérangerait un peu, mais c'est vraiment très subjectif. Effectivement, c'est un très très très bon joueur. C'est une Coupe du Monde pas terrible. Alors en fait, le problème, c'est qu'on n'a jamais su exactement comment le Ballon d'Or était attribué. Donc c'est ça le problème. Est-ce que du monde, la saison, les performances avec l'équipe nationale, etc. On sait pas trop ça, ça a jamais été vraiment déterminé, je sais pas. Je pense que Eder, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a fait une grosse Coupe du Monde, lui, il est plus complet, quoi, selon moi. Puis Messi, ouais. Mais bon, après, si Messi, ouais, ça serait pas un scandale non plus, c'est clair que c'est un grand joueur, quoi. Voilà. Ça me dérangerait pas. Je pense par contre que là, ils vont vraiment faire attention aux performances mondiales en année post-Coupe du Monde, et le prix normalement devrait être donné à un joueur qui a vraiment été important en Coupe du Monde comme en club. Je pense que vraiment, sur ce point de vue-là, Diego Forlán est vraiment, à mon avis, celui qui doit être. J'ai du mal à imaginer, en fait. J'ai du mal à penser que la décision sera prise le concernant. Je pense que bon, mais s'il peut l'avoir, ça serait quand même vraiment, vraiment, vraiment surprenant pour moi, parce que en Coupe du Monde, ça n'a pas été bon, et ça tenait pas qu'à lui, ça tenait à toute une équipe qui a pas fonctionné et qui prend une correction face à l'Allemagne. Donc, de ce point de vue-là, je pense pas que l'Argentine peut, Messi, pardon, peut avoir un deuxième ballon d'or d'affilée. La deuxième partie du podcast touche à sa fin. On remercie beaucoup Nicolas, qui était avec nous pour la première fois, et donc on espère qu'un jour il reviendra dans les podcasts à venir. Ouais, bah merci à vous, merci beaucoup. On envoie la musique et on se retrouve tout de suite après avec un nouvel intervenant qu'on vous présentera pour parler de l'équipe de France.